يقول الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون Donc Allah Azza wa Jal dit à propos du peuple de Pharaon, parce que Moussa s'est rendu auprès d'eux pour libérer les fils d'Israël. Lorsqu'une bonne chose les atteint, ils disent « Cela, nous le méritons. » Et lorsqu'une mauvaise chose les atteint, il faut endosser cela à Moussa et à ceux qui sont avec lui. C'est à cause de vous que telle et telle chose nous atteint. Et Allah leur répond en disant que ce qui les atteint provient d'Allah Azza wa Jal. En réalité, cependant, la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc, ma asabakum min musibatin fa min Allah. Donc, si un malheur vous atteint, cela provient d'Allah Azza wa Jal. Donc, Allah Ta'ala, ma kasabat aydikum. Cela est pour ce que vos mains ont accompli. Donc, en réalité, tout mal qui nous touche, sa cause, son origine, c'est nous-mêmes. Et ce n'est pas fulaine ou fulaine. C'est nos propres mauvaises actions. Cheikh Abdel Hamid avait raconté une histoire. La'alakum tazkurun. Zakara Fiders. À propos, justement, de la tatayur des gens. Que beaucoup de gens font tatayur, font mauvais présage, et s'en prennent au jour de la sunna. En disant, c'est à cause de vous qu'il nous arrive telle et telle chose. C'est à cause de vous, et kaza et kaza. C'est à l'époque à Demaj. Avant que la da'wa s'installe à Demaj, il y avait beaucoup de... Les terres étaient fertiles, il pleuvait fréquemment. Il y avait beaucoup de khayr qui se passait. Et ensuite, ça a commencé à changer. Par la suite. À savoir qu'à l'époque, c'était Tashayyur qui était répandu. Et le Rafd. Alors les gens étaient des Rawafid. Et Shia, des Shiites. Et Cheikh Moukbil, rahimahullah ta'ala, a combattu tout cela et a instauré la Sunna. Qui par la suite s'est propagée dans tout le Yémen. Et après sa mort, c'est tout l'Eb. Et à leur tête, Shayah al-Hajouri, qui ont continué son travail de la meilleure façon qu'il soit. Contrairement à ce que disent les Hizbis. Lui, et c'est tout l'Eb, et les autres machères, qui sont restés sur la même voie que Cheikh Moukbil. Ils ont continué son travail. Et la da'wa aujourd'hui atteint les quatre coins du Yémen, même pour dire les quatre coins du monde. Donc, déjà, on dit, au tout l'Eb à l'époque, c'est depuis que vous êtes là, il pleut plus, l'herbe, ou plutôt la terre ne fait plus pousser, on a quand des problèmes, les maladies se répandent et se multiplient, et kaza et kaza et kaza. Donc, vous venez, on n'avait pas tout ça. Et Cheikh Abdel Hamid, il leur a dit, là, c'est tout simplement depuis que nous, on est là, au kimat al-hujja alaykoum. Depuis qu'on est là, la vérité vous est parvenue, vous l'avez refusée. Donc maintenant, vous avez ce que vous arrive. Comme a dit Ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous n'avons pas chanté un peuple, comme on l'a expliqué, qui ne s'est pas envoyé un messager. Donc il leur a dit, la da'wa est venue, vous l'avez refusée, donc maintenant vous subissez. Avant vous avez l'excuse de l'ignorance, maintenant vous ne l'avez plus. Il parle à des gens là qui étaient là, qui connaissaient la da'wa, qui lui allaient donner un an, ils n'étaient pas au durous, ils critiquaient les toulab, ils critiquaient la sunnah. Donc il lui a dit, Cheikh Hamid, vous avez été atteint pour cela. Regarde, Massalan, ce qui se passe actuellement en France. C'est l'un des pays les plus atteints de cette pandémie, qui ont subi le plus de conséquences, qui ont le plus de problèmes. Mais regarde bien en contrepartie. C'est le pays aujourd'hui qui fait le plus de mal aux musulmans. Ils sont en pleine pandémie. Au lieu de s'occuper d'eux-mêmes de leur santé, ils sont en train de faire des lois contre nous. Lois contre le séparatisme. Et ils réfléchissent comment taper l'islam le mieux possible. Comment s'en prendre à eux? Quoi trouver contre eux? Et plus ils font ça, et plus ils leur arrivent des problèmes. Et certains vont dire, oh, c'est à cause de vous. C'est à cause de nous de quoi? Le Covid, à la base, elle vient de Chine, elle vient pas de... Alhamdoulilah qu'elle ne vient pas d'un pays d'islam. Wallah, cette maladie serait venue d'un pays d'islam. C'est une maladie, voilà, islamiste. Une maladie terroriste, ils auraient dit. C'était venu du Maroc, d'Algérie, voire pire d'Arabie Saoudite. Alors là, on aurait pris le paquet. C'est une maladie, c'est à cause des musulmans qu'on est comme ça et tout. Mais alhamdoulilah, c'est venu des Chinois. D'accord, en apparent. Hein. Donc là, ils auraient pu dire. Et malgré tout cela, regardez, les pays d'islam en sont bien mieux sortis que les pays de Koufre. Bien que c'est un pays d'islam, on en fait trop. Voilà, arrêter les salawat en jama'a, ou faire le taba'oud, séparer les gens dans les rangs, alors qu'après, une fois qu'ils ont fini la salat, ils se serrent dans les bras, ils sont partout, dans tous les lieux mélangés, dans la salat, on dirait la salat, c'est qui a donné la maladie. Voilà, azubillah. Ils en ont fait trop, les musulmans. Pourquoi en copiant les koufars? Le shahid, c'est que à chaque fois, les gens du mal vont faire porter ce mal qu'ils subissent aux gens du bien. Et quand tout va bien, ça s'arrange, ah, c'est grâce à nous, grâce à nos efforts, grâce à notre intelligence. Là, Azamin Allah, Azawajal. Allah, il vous a fait subir la chose, et c'est lui qui la retient, la chose. Et des fois, vous savez même pas, c'est pour la présence de muslimines que Allah fait que le châtiment, il est moins dur que ce qu'il aurait pu être. Le fait que ces gens que vous combattez, qu'ils soient là, Allah vous préserve un minimum, car ces gens-là sont présents. Quand il y a des gens de bien, donc Allah, par la présence de ces gens-là, il a amoindri le châtiment. Il n'y aurait personne, parce que vous auriez été exterminés. Mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Donc ils disent ça, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous. Là, c'est à cause de vous-même. Et le peuple de Pharaon ont subi ce qu'ils ont subi, car ils ont fait subir des sévices aux fils d'Israël. Et Moïse était venu pour les libérer. Et eux, ils les tenaient encore plus. Ils ont vu tous les signes, ils n'ont pas voulu accepter. Puis c'est ce qui leur arrive, que Pharaon a été pris par la mer. Ils ont eu l'inondation, ils ont eu les grenouilles, ils ont eu le sang, ils ont eu les poux, ils ont eu les sauterelles. Ils ont eu plein de choses pour qu'ils reviennent, ils ne revenaient pas. Regarde la France, ce qui leur arrive. Ils ne reviennent pas. Marcha, allez, il fait. Donc là, il ne faut pas dire c'est à cause des musulmans, c'est à cause de vous. Parce que vos mains ont accompli.